Question 25. Au volant, la consommation de drogues douces peut avoir les mêmes effets que l'absorption d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B.